Salut à toutes et tous, la tribu. Bienvenue dans la 55e Vampire Freaks, l'émission radio où Spike débarque dans votre salon chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite, mais aussi sur archive.org. Merci pour tous vos gentils messages et dédicaces que vous me laissez chaque semaine sur la page Facebook de l'émission. On commencera cette émission avec Look Who's Talking de Megadeth. C'est tiré de leur dernier album Dystopia, leur 15e album, sorti le 22 janvier 2016. On peut entendre aussi Dystopia, Conquer or Die et Foreign Policy notamment. On poursuivra avec Never Gonna Find Me des Offspring. C'est sur Splinter, leur 4e album, sorti le 9 décembre 2003. On peut entendre aussi Neocon, Rage Against Myself et Spare Me the Details, entre autres. On s'écoutera ensuite Scapa de Scapé. C'est sur le sublime 99%, leur 8e album, sorti le 5 mars 2013. On retrouve aussi Full Gas, Alibaba et Africa Agonica notamment. Allez, un grand classique, My Wife des Who. C'est sur l'excellent Who's Next, sorti le 14 août 1971. On retrouve aussi Baba O'Reilly, Behind Blue Eyes et Won't Get Fooled Again, entre autres. On finira ce bloc en live avec En route pour la joie de Noir Désir. C'est sur Du ciment sous les plaines, leur 3e album sorti en février 1991. On peut entendre aussi Tu me donnes le mal et Si rien ne bouge, qui fait partie de la bande originale des Nuits Fauves de Cyril Collard, entre autres. Tell me you've been talking. I hear you got a big mouth, saying things you know aren't true. What the hell are you talking about? So now we have a conundrum, and the problem is clearly you. This is the part where it gets ugly, and the solution getting rid of you. You'll never be safe in the shadows. I'll be waiting in the dark with a shovel and a bag full of lies. I'll see the devil make me do it. I look who's talking and I see a big nothing looking back at me. Mine is just to do or die. It's not the reason why I can't let sleeping dogs alive. I'll never stop until I find you. That's when you're gonna cease to exist. How stupid do you have to be to think the trail of evidence that you left won't boomerang back in your face to your moth-eaten brain by mess? Like the wolf that doesn't howl, concealed and ready to attack. It's time to pay with your flesh, and you'll never stop me. I look who's talking and I see a big nothing looking back at me. Mine is just to do or die. It's not the reason why I can't let sleeping die. mission started by my own admission. I will leave you all behind. By direction, I'll create my own protection. The real me you'll never find. Aspirations turn to fear and desperation. Nothing's ever good enough for you. Find the sorrow cause I see there's no tomorrow. You'll only see what I want you to. Never gonna find me. Never gonna find me. Escápate. pacto. Organízate y lucha. Somos el 99%. Soñaré, soñarás, pararé andando un escalón sin dejar de...

Vous êtes toujours dans la 55e Vampire Freak sur votre radio favorite et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient d'écouter Luke Who's Talking de Megadeth, Never Gonna Find Me de Offspring, Scapa de Scapé, My Wife de Who et on a fini en live avec En Route pour la Joie de Noir Désir. On poursuivra cette émission avec White Teeth des Nine Inch Nails, c'est aussi le titre de leur 5e album sorti le 2 mai 2005. On peut entendre aussi You Know What You Are, Love Is Not Enough et Getting Smaller entre autres. On s'écoutera ensuite Pulling My Heart Out From Under Me de Skid Row, c'est sur l'album Revolutions Per Minute, sorti le 24 octobre 2006. On retrouve aussi This Is, White Trash et Lady Tried notamment. On poursuivra avec un groupe que j'adore, il s'agit des Normands de Désillusion. Je passerai Ultime Rémission, c'est une nouveauté. C'est sur l'excellent Metal Influence sorti en 2015. On peut entendre aussi Serial Killer, Metal Influence et Révolution notamment. Un top album. Ils font plein de concerts en ce moment. Je partagerai les affiches sur la page Facebook de l'émission. Envie d'un vieux reggae, ce sera Bring Back the Skins de Judge Dredd. C'est sur Last of the Skinhead, sorti en 1976. On retrouve aussi Dread Rock de Winkleman et Banana Throat Song, qu'on retrouve sur Beetlejuice, entre autres. Et on finira ce bloc en live avec The Beach's Bag de Lita Ford. C'est aussi le titre de cet album sorti en 2013. On peut entendre aussi Living Like a Runaway, Out for Blood et Devil in My Heart notamment. We'll be right back. tied myself to the railroad tracks. You refuse my point of view. Les promis, c'est la rémission. Tant d'amour. while going out. Don't play much reggae in the clubs. Still, I can still dream. Every Wednesday, the papers came out. The Record Mirror, best thing about Brutus Crombie, he was a lad when we were skins. All the dance halls were full of skins. Sometimes you get your head kicked in, but still one day reggae will be king again. I hope so anyway. Reggae! We'd live and die for Friday night, off to the pally and have a fight. Dance the reggae most of the night when we were skins. Above all this, our one big hope was pull a bird and have a grope. And if you were lucky, she'd take your own when we were skins. When mum and dad went off to bed, you'd stay and maybe have your end away. You never know, it might come back when we were skins. I had a bird with her hair cropped short, who put it about she was quite a sport. But that's what your mates were for. We all shared birds when we were skins. The stupid talk got in the family way. Half hour's pleasure now I've got to pay. But that won't change the way I feel. I'm still a skin. Music crazes come and go, and down the pally I still make a show. But all the birds are dressing up like something out of the 40s. Granny's blouse and a real long skirt still let her heels, I'll bet they hurt. And when they dance, it's a real cheap thrill, but they're not skins. We used to dance all night till six to reggae sounds just like Big Six. Those were the days, hope they come back, I really do. Reggae! We'd live and die for Friday night, off to the pally and have a fight. Dance the reggae most of the night when we were skins. Above all this, our one big hope was blag a bird, have a crafty grope. If you were lucky, she'd take you home and let you in. Oh, some chance on it. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Vampire Freak chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite. Hello, Los Angeles. The bitch is back. I was just a five when I was five. Raise a cane, I spit in your eye. 55e Vampire Freaks, et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient d'écouter White Teeth de Nine Inch Nails, Pulling My Heart Out From Under Me, ce qui est putain, il n'est pas facile à dire celui-là. Ultime Rémission, c'était une Nouveauté de Désillusion, Bring Back the Skin de Judge Dredd, et on a fini en live avec The Beach is Back de Lita Ford. Tiens, une petite nouveauté pour continuer, Metal Massacre de Jimson Weed, c'est sur leur premier EP Résurrection, sorti en 2016. On peut entendre aussi Sans Lueur d'Espoir, Vendredi Maudit et Destruction. Vivement qu'ils sortent un bon CD de, je sais pas moi, 10-12 chansons, ça serait bien, non? Pas vrai les gars? Allez faire un tour sur la page Facebook de Jimson Weed, ils font plein de concerts. Il y aura plein d'infos sur la page Facebook de l'émission, à faire, à suivre. On continuera cette session avec Twisting Knife de Danko Jones. C'est sur Fire Music, sorti en 2015. On peut entendre aussi Wild Woman, Getting Into Drug et Live Forever, entre autres. Je diffuserai ensuite Tomorrow de Def Leppard. C'est sur Songs from the Sparkle Lounge, sorti en 2008. On retrouve aussi Love, Only the Good Die Young et Gotta Let It Go. Envie de vieux reggae, moi, cette semaine. Je passerai Black My Experience d'Alton Ellis. C'est sur le sublime et rare Many Moods of Alton Ellis, sorti en 1980. On peut entendre aussi Rise and Fall, Mr. Scabina et le non moins fameux Ain't Music. Et on finira ce bloc en live avec Secret of Steel de Manowar. C'est sur Into Glory Ride, leur deuxième album sorti en 83. On retrouve aussi Gloves of Metal, Gates of Valhalla et Hated, entre autres. We'll be right back. out of your sleep. Be proud of your big eyes, your flat nose, your thick lips, and your white teeth. Cause you're a man like any other man. Woman and children. Black man, woman and children. Your skin is black, your teeth is white. Nothing is wrong, it's alright. Man call you black here, man call you black here. Then you call him white here. You're just another man, a real born man. What else can we be? We were created by one creator, said. Created by one creator, said. Burden might be heavy, but don't get dispelled by bowing under pressure, inflicting sorrow. Ooh. And day by day we hear, black man, black man, woman and children. White. Nothing is wrong, it's alright. Your burden might be heavy, burden might be heavy. Some tattered and torn, some grown and mourn. And look at me, I'm a fugitive. Nowhere to rest my weary head. Black man, black man, woman and children. Your skin is black, your teeth is white. Nothing is wrong, it's alright. Burden might be heavy, burden might be heavy, but don't get despair by bowing under pressure, inflicting sorrow. Day by day we hear, black man, black man, woman and children. Your skin is black, your teeth is white. Nothing is wrong, it's alright. Burden might be heavy, burden might be heavy, burden might be heavy, burden might be heavy. Oh, your burden might be so heavy, burden might be heavy. Black man, black woman man and children. Oh, oh, oh. Burden might be heavy, burden might be heavy. Tattered and torn, some grown and worn. And look at me, I'm a fugitive. Nowhere to rest my weary head. Black man, black man, woman and children. Don't get despair, this is what I'm saying. Black man, woman, oh, oh. Black man, black man. Black man, black man, black man. the mountain where the river of steel flows. Black is the forest, white was the snow. There as children, how could you know? One without name or number soon would show. There stood he on his chariot made of gold. He did reveal the trinity of secrets. Oh! êtes toujours dans la 55e Vampire Freaks, l'émission radio, et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient d'écouter une nouveauté, Metal Massacre de Jim Sodwick, Twisted Knife de Danko Jones, Tomorrow de Def Leppard, Back My Experience d'Alton Ellis, et on a fini en live avec Secret of Steel de Manowar. Pardon. Tiens, une autre nouveauté pour commencer ce bloc, Le Désert de Sink. C'est sur l'album Sink ST sorti dernièrement. On peut entendre Une Autre Vie, Tout Droit et Humain notamment. Allez faire un tour sur la page Facebook de Sink, T-H-I-N-K. De toute façon, je mettrai les liens sur la page. Vous trouverez toutes les infos sur cet album. Tiens, ça vous dit un vieux son vinyle? Ok, je passerai Dear Near My Fingers des White Stripes. C'est sur Elephant, sorti le 15 mars 2003. On retrouve Seven Nation Army, In the Cold Cold Night et The Hardest Button to Button notamment. On s'écoutera ensuite Proserpina de Heads. C'est sur l'excellent 3, sorti le 6 avril 2012. On peut entendre aussi Voragine, Adonai et Music entre autres. Je diffuserai ensuite Force of Shore d'Epica. C'est sur Consign to Oblivion, leur deuxième album sorti le 20 avril 2005. On peut entendre aussi Dance of Fate, Solidarity Ground et Quietus. Entre autres, ils sortent un album le 30 septembre. Son titre, c'est dit Holographic Principle. Et je pense qu'il va rejoindre ma petite CD Tech. Donc, des nouvelles très, très vite. Et on finira ce bloc en live avec Give It Away des Red Hot Chili Peppers. C'est sur Blood Sugar Sex Magic, leur cinquième album sorti le 23 septembre 1991. On retrouve aussi The Power of Equality, Breaking the Girl et Under the Bridge notamment. Si tu as, si tu boring. It's really got me snoring. I'm wearing out the flooring in a cheap hotel, but I don't have to work it. And I might be silly, but I'm never gonna have to hear the rings of school bells. Do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do. You remember, you told me in December that a boy is not a man until he makes a stand. Well, I'm not a genius, but maybe you'll remember this. I never said I ever wanted to be a man. We'll be right back. Thank you. You're pretty. Vous êtes toujours dans la 55e Vampire Freaks et c'est Spike qui vous accompagne. On vient d'écouter une nouveauté, Le Désert de Sync, The Air Near My Fingers en vinyle de White Stripe, Proserpina de S, Force of Shore de Epica, et on a fini en live avec Give It Away des Red Hot Chili Peppers. Envie d'un grand classique français, Negusanagas de Serge Gainsbourg. C'est sur Mauvaise Nouvelle des Étoiles, sorti le 17 novembre 1981. On retrouve aussi Ecce Homo, Evgeny Sokolov, Toi Mourir, La Nostalgie Camarade et plein d'autres. On poursuivra avec Mogador du Peuple de l'Herbe, c'est sur l'album Next Level, sorti en 2014. On peut entendre aussi Soya Green, What a Shame et Rude Boy notamment. On s'écoutera ensuite Ganz Normal de The Fantastischen Wir, c'est sur The Wir Dimension, la quatrième dimension, sorti le 8 novembre 1993. On peut entendre aussi Newsland, nouveau pays, Tagam Air, Jour en mer et Schizophrène. Bon, ça y est, pas besoin de traduire. Hein. Notamment, un album malheureusement trop peu connu en France, mais qui a fait un carton en Allemagne. Je passerai ensuite Sabotage d'Alpha Blondie, c'est sur Elohim, sorti en 2005. On retrouve aussi Journaliste en danger, Les voleurs de la République et Black Samurai, entre autres. Et on finira ce bloc en live avec Havana Affair des Ramones. C'est sur leur premier album intitulé simplement Ramones. Il est sorti le 23 avril 1960. On peut entendre aussi Blitzkrieg Pop, Judy the Punk et Chainsaw entre autres. Vampire Freaks, émission radio où Spike débarque dans votre salon. L'homme a créé des dieux, l'inverse, tu rigoles. Croire, c'est aussi fumeux que la ganja. Tire sur ton joint, pauvre Rasta, et inhale tes paraboles. Negusanagas, Negusanagas, Negusanagas, Negusanagas. Là-bas, en Éthiopie, est une sombre idole. Aïe, laissez l'acier, Négus, roi des rois, descendant de Moïse à ce qu'on croit. Certains, quant à moi, je les crois sur parole. Négusanagas, Négusanagas, Négusanagas, Négusanagas. Tes esclaves le protègent sous de noirs parasols, du ciel blanc d'Addis Abeba. À ses pieds, un lionceau, emblème de Judas, symbole. Negusanagas, Negusanagas, Negusanagas, Negusanagas. Dans son lointain palais, le Négus s'isole, prisonnier après un nouveau coup d'état. D'être passé par les armes, va savoir qui ou quoi. Que la CIA Interpol. Negusanagas, Negusanagas, Negusanagas, Negusanagas, Negusanagas, Negusanagas, Negusanagas. Se battait, eh bien la vie a repris, les cafés ont ouvert et vous entendez cette musique. Numéro d'immatriculation. Bleiben auf der Strecke, lassen sich hängen, geben auf und lassen sich in eine Ecke drängen. Wir retten die Welt, sag ich, und wird ausgelacht. Auch wenn das alle denken würden, hätten wir schon lang gemacht. Wir haben das Leben, unser Leben in der Hand und ich für meinen Teil find's ziemlich geil. Und dadurch wird dann plötzlich klar, was bisher noch so verschwommen. Und ich weiß, von diesem Trip möchte ich nicht mehr runterkommen. Und ich rate euch, macht mit, doch ihr habt immer die Wahl. Geht her, nennt mich verrückt und sagt mir, ihr werdet normal. Wer ist hier normal? Und wer ist verrückt? Ist es normal, nur weil alles tun? Wie viele Menschen wissen, dass sie leben? Wie viele Menschen wissen, dass sie wirklich leben? Okay, dann lass mich der sein, der dir Leben bringt. Bist du die Vorurteile weg, dann weiß ich, dass es mir gelingt. Ich bin der ohne Böses im Sinn. Sinn ist abstrakt, stich in der Ecke auf einer Kiste und mir praktisch nackt. Ich bringe Veränderungen, die verändern mich noch mehr zu mir. Ins Jahr zu mir, nur ist das dann vielleicht noch weiter weg von dir. Du willst zu mir sein wie die Vier und fragst, was kostet mich das? Die Antwort ist, es bringt dir jede Menge Spaß durch Emotionen, Vibrationen. Ne, verdammt, ich bin am Leben und das ist für mich Grund genug, jede Menge Gas zu geben. Was ich da spüre, ist Leben meiner Wahl. Fühlt sich abgefahren an, doch ist für mich ganz normal.

on vient de s'écouter Negusanagas de Serge Gainsbourg, Mogador du Peuple de l'Herbe, Gansormal du Fantastischen Wir, Sabotage d'Alpha Blondie, et on a fini en live avec les Ramones, c'est Abona Affair. Cette 55e Vampire Freaks touche malheureusement à sa fin, je vous remercie encore de l'avoir suivi. Laissez-moi vos messages et dédicaces sur la page Facebook de l'émission Vampire Freaks, l'émission radio. On finira cette émission avec un grand classique d'ACDC, puisque Cliff Williams vient d'annoncer sa retraite après 40 ans à la basse chez ACDC. Pour moi, ça y est, ACDC, c'est fichu. Alors je passerai You Shook Me All Night Long, c'est sur Back in Black, leur 7e album sorti le 25 juillet 1980. On peut entendre aussi Hell's Bells, Shoot to Thrill et Back in Black. C'est le deuxième album le plus vendu au monde après Thriller de Michael Jackson. À la semaine prochaine, même heure, même endroit sur votre radio favorite, mais aussi sur archive.org. Salut à tous et tous, la tribu!